soleil tape, j'ai des lunettes cassées. Une table de mix en tôle de fils arraché. Des viewers en slip qui tapent dans leurs mains. C'est pas Ibiza ici mais on mixe pour le death. J'ai monté une sono dans un vieux container. Elle grésille un peu mais elle fait trembler la terre. Le voisin campe, je balance du scratch en réponse. Et je fais boum boum boum jusqu'à ce qu'il dénonce. J'ai une AK comme Crossfader, ça shoot en stéréo. Je suis DJ Raider, ce qu'est l'ambiance barbecue rétro. Un ours qui débarque, je drop un solo. Même les tourelles dandinent sur mes tempos. DJ Noob à la playa, je fais jumper les viewers. Ça loot, ça crame et on danse sans peur. C'est riz, c'est funky, c'est du gros délire. Si t'as pas bugué, t'es pas prêt de partir. Si que ça lag, pas grave, H5 avec les grenades. Rider skill mix même quand ça cascade. On spam le chat comme un BPM qui tape. Et on raise l'ambiance même quand ça claque. Je sens des bruits de feu, des hurlements de noob. Une tourelle qui bip, hop, je la fous dans le loop. La musique est vivante, pleine de bugs et de feu. Mais elle est plus stable, mon pote Roro le chevreuil. J'ai pas besoin de platine, j'ai juste une porte en métal. Je la claque en rip, c'est triba digital. Ma basse fait bon, je la remix direct. Et mes viewers balancent des GG dans le refrain sec. DJ Noob à la playa avec Rider Skill en rage. On fait danser la map, même pendant le pilac. Y'a du fun, y'a des kills, y'a du loot à revendre. Et la vibe est si forte que la basse va fendre. Y'a la frappe sur la tôle, remix sur les pleurs. Même les tryharders demandent l'heure. Dans ce chaos, on règne en musique. Rider Skill mix pendant que tu critiques. Un remix de boom, un écho d'explosif. Je transforme ta mort en moment festif. T'es au sol, c'est dans le beat que tu renais. Et même ton sac devient un sample stylé. Gag DJ Noob, ouais c'est moi le streamer. Entre les balles et les beats, je te rends meilleur. T'as jamais vibré tant que t'étais pas là. À danser sur la plage avec un HP, crois-moi. Gag Rider Skill, le son qui casse les murs. Ma basse fait peur aux murs blindés, je te jure. Alors danse, crie, loue et admire. C'est pas un jeu, c'est un empire. We'll be right back.